suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. À activer toutes les dimensions de Dieu afin d'aller au-delà des limites prévues. Activer toutes les dimensions de Dieu afin d'aller au-delà pour atteindre les objectifs de Dieu. Pour cet objectif, qu'est-ce que nous voulons dire? Je vais dire ce matin que avec Dieu, nous ne nous arrêtons pas là où les hommes attendent qu'on s'arrête. Je disais qu'avec Dieu, il ne faut jamais arriver. Il ne faut jamais arriver avec Dieu. Le standard de Dieu sont toujours au-delà de l'information que j'ai. L'environnement dans lequel je vis peut me donner un standard. Et tout le monde sait que si quelqu'un arrive à ce point, il est arrivé. Mais Dieu, il a des standards qui sont au-delà de ce qui est défini dans notre environnement. C'est pourquoi avec Dieu, ne pense pas que quand tu arrives à un point, même si tu sens que c'est le culminant de ton environnement, il y a toujours un pas de plus. Il y a toujours une dimension de plus à conquérir. C'est pourquoi quand vous marchez avec Dieu, demande à Dieu de vous donner la révélation. Tu dis, Seigneur, jusqu'ici, c'est vrai, tu m'as secouru, mais quel est le pas suivant? What next? Qu'est-ce qui vient après? Pourquoi ne pas arriver? Parce que si vous pensez que vous êtes arrivé, c'est ce jour-là que vous commencez à redescendre. Le jour où vous pensez que vous êtes arrivé, c'est ce jour-là que vous permettez certaines choses, parce que vous vous dites, c'est la fête, on est arrivé. On peut fêter. Et nous avons une culture, laissez-moi parler de notre pays, une culture de la fête, de la célébration. J'ai atteint un certain niveau, je commence les fêtes parce que je pense que je suis arrivé et je baisse les gants. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des standards que Dieu fixe qui sont au-delà des limites connues. Les premières limites qui sont liées à l'homme, c'est les limites, ce sont les limites de notre existence. Notre durée de vie est trop courte pour contenir les objectifs de Dieu. Nous sommes trop petits. Les autres limites sont les limites de la famille. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu ne regarde pas seulement ma petite vie, il voit au-delà de ma vie. Et lorsque l'homme de Jacob était en train de bénir son fils Joseph, il dit, tu es un arbre dont les branches vont au-delà des murailles. Tu es béni au point que ta bénédiction dépasse les limites prévues. Il y a les limites de la nation, il y a les limites psychologiques, les limites de l'environnement, les limites de ma famille, les limites de ma tribu, mais la grâce que tu portes, c'est une grâce qui doit aller au-delà des limites que les hommes connaissent. Il est possible que avoir tel niveau, avoir tel diplôme, c'est ça la limite qui est fixée dans ton environnement. Mais je veux dire à quelqu'un, avec Dieu, les limites sont infinies dans les temps et dans l'espace. Dieu peut te donner un objectif qui va jusqu'aux États-Unis. Dieu peut te donner un objectif qui va jusqu'en Chine. Dieu peut te donner une requête qui va jusqu'aux Caraïbes. Parce que ta prière ne s'arrête pas seulement sur tes besoins. La grâce de Dieu que tu portes ne s'arrête pas par rapport à la portion que tu as aujourd'hui. Mais ça va au-delà. Et lorsque nous parlons de l'Église qui doit avoir cette mentalité, c'est que quand tu sais que ce que je cherche n'est pas lié à mes limites, alors tu es plus sérieux. Alléluia. Et tu resteras en train de chercher des défis. L'on dit que les nations qui émergent, ce sont des nations qui cherchent des défis, même quand il n'y a plus de problème. Il y a un mois, depuis un ou deux mois, il y a les géants américains qui sont en train de faire du boom. Il y a le boss, le patron de la logistique mondiale Amazon et Elon Musk qui gère Tesla et les autres, qui sont maintenant en train de faire une conquête dans l'air, organiser des voyages touristiques maintenant dans l'espace. Et une place coûte 28 millions de dollars pour faire partie de l'engin. En fait, ils se disent, il n'y a plus de conquête à faire sur la Terre. Si la Terre s'est finie, nous irons dans l'espace. Et je veux dire, quand nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous allons atteindre facilement. C'est pourquoi une vie qui atteint facilement ses objectifs, c'est une vie qui s'arrête d'exister. Quand il y a des choses que vous avez dans votre vie, vous les atteignez facilement. Je vais interpréter « Allez, Moloto ou attends, tu vas l'interpréter. Après une semaine, tu seras arrivé. Mais et après, si tu atteins tes objectifs, tu n'as plus de raison de vivre. Parce que tu commences à célébrer les victoires que tu as eues. L'objectif, c'est de pousser l'Église, pousser les enfants de Dieu, pousser tous ceux qui vont écouter ces messages à réfléchir au-delà. Je suivais un chef d'État dans la région et il y avait une marche de jeunes qui réclamaient de l'emploi dans leur pays. Il disait, si vous réfléchissez seulement ces petits pays, votre vie sera nulle. Réfléchissez en dehors des frontières. Il y a des opportunités même en dehors de ces pays. Réfléchissez Afrique, réfléchissez monde, et vous verrez que vous avez du boulot à faire. Quand nous réfléchissons par rapport aux générations, nous voyons que nous avons une grande responsabilité. Et des hommes et des femmes qui ont réfléchi des générations, ils ont investi conséquemment parce qu'ils savent que mon lit et mon manger ne sont pas suffisants pour la grâce de Dieu qui marche avec moi. C'est très facile que je trouve à manger, c'est très facile que je bâtisse 2 ou 5 maisons. Mais si je dois réfléchir aux générations à venir, je vais savoir que même 5 maisons ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi l'homme d'Abraham, lorsqu'il rencontre Dieu, l'une des promesses que Dieu lui donne dès le départ, il n'a pas dit « je te bénirai, tu seras riche ». Il a dit « je sortirai de toi des générations ». En fait, sache que tu es le père de générations. Et donc, quand tu es en train de poser un acte, tu le poses sachant que cet acte va influencer des générations. Je sais que je fais une semence. C'est pourquoi lorsque vous voyez Abraham, il était déjà béni lorsqu'il devait offrir Isaac. Et qu'est-ce qu'il cherchait encore? 300 agents et plus qui pouvaient former une armée à l'époque. C'était un grand. Qu'est-ce qu'il cherchait? En fait, la semence d'Isaac. C'était une semence pour les générations. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons d'Abraham, parce qu'il avait semé pour des générations. Je prie que ce matin Dieu élève des hommes et des femmes qui vont semer pour des générations, qui vont agir pour des générations et dit je suis en train de faire pour des générations. Nous avons un malheur en Afrique parce que nous avons beaucoup de leaders qui ne vivent que pour eux-mêmes. Ils s'évaluent par rapport à sa veste. Par rapport à un voyage aux États-Unis, il dit, quand j'étais ministre, j'ai fait vraiment Washington. J'ai vu Maison Blanche comme ça là. Donc j'ai réussi. Tu as échoué. Ce n'est pas ton rang. Ton rang, c'est de voir des nations où tu peux passer vieillard dans la voiture. Tu dis, ce monument, c'est moi qui l'ai bâti. Tu peux commencer l'histoire et dire, tu vois, ici, il n'y avait rien. Nous avons commencé ça. Je prie que Dieu vous donne des hommes, nous donne des hommes qui vont bâtir des monuments, qui vont crier leur nom après leur passage. La légèreté qui se remarque dans certaines vies, c'est parce que nous pensons que nous vivons pour la jouissance. Nous ne vivons pas pour couvrir des besoins. Nous ne prions pas parce que nous sommes sous la pression de la nature, mais nous prions parce que nous savons que le royaume de Dieu est au-delà de moi. Même après moi, le royaume de Dieu doit crier encore plus fort. C'est pourquoi on doit implanter des missions, on doit aller encore chercher des ressources, parce qu'il faut impacter des générations à venir. Dis à la personne à côté, tu dois impacter des générations. Aujourd'hui, nous nous plaignons parfois par rapport aux grands-parents. Nous disons que ces grands-parents, ils ont fait ça, c'est pourquoi nous échouons, n'est-ce pas? Et quand on prie, on dit les démons, les liens de ta famille sont en train de te chercher. Je prie que demain, les liens ne soient pas les liens des démons, que ce soit des liens d'onction. Ah oui? Parce que si le grand-père, il avait l'onction, je vais avoir les liens de l'onction. Ça veut dire quand je vais aller pêcher, les liens là me tirent et disent, toi tu n'es pas d'ici. Et l'on va dire que toi tu n'es pas de cette race parce qu'il y a les liens de l'onction. Il n'y a pas que les liens des démons. Nous pouvons créer les réclamations de l'onction, les réclamations de la bénédiction, pas des réclamations de la malédiction. Si le grand-père était sorcier, il va libérer les réclamations de la malédiction. S'il est loin, il libère quoi? La réclamation de l'onction. Quand je vais aller vers l'échec, l'onction me réclame. Le succès me réclame. Il dit, tu n'es pas de là, on a déjà semé pour toi. Si je suis de la génération de ceux qui ont été réclamés par des hôtels maléfiques, demain, qu'il y ait des générations qui seront réclamées par les hôtels de la grâce. Le petit veut aller là-bas, l'onction les tire. J'ai suivi un témoignage d'une jeune dame, c'était une jeune fille adolescente, et elle avait contacté la magie dans son école. Et elle arrive un jour, on l'amène vers la sorcière qui devait les initier avec ses collègues. Et quand elle arrive, elle veut entrer, celle qui faisait le scanning spirituel devant la porte, et dit, toi, tu ne peux pas entrer. Il dit, mais j'ai déjà rempli toutes les conditions, madame, je veux ça. Même si tu veux ça, quelque chose te réclame. La prière de tes parents est en train de te réclamer. Je prie que cette réclamation s'installe dans ta famille, s'installe dans ma famille, où l'onction n'est pas seulement pour combattre les démons, mais ça va commencer à réclamer certaines choses, à attirer certaines choses vers nous. Où la grâce va attirer. Il n'y a pas que la malédiction que nous attirons. Nous attirons aussi l'onction. Dis à la personne à côté, derrière toi, il y aura des liens de grâce. Ceux qui sont connectés à vous seront bénis parce que vous avez sémé sur l'autel des sacrifices. Tout ce que je donne comme sacrifice doit annuler les sacrifices de mon père et de mon grand-père. Et créer une nouvelle génération, une nouvelle couverture spirituelle. Que quand quelqu'un parlera de moi, il saura qu'il est en train de se connecter à une grâce qui existe déjà. Je prie que Dieu nous amène dans ce hôtel. C'est pourquoi aspirer aux dimensions, au-delà des dimensions classiques, qui nous laissent dans la stagnation ordinaire, où nous pleurons, nous rions, nous pleurons, nous rions. Il arrivera un moment où tu vas seulement rire. Parce que la saison du rire, parce qu'il faut affronter Isaac pour avoir un rire permanent. C'est notre partage. Laissez-moi parler de ces dimensions, j'ai 22 minutes. On nous a mis un chrono, hein. 22 minutes, je vais parler de trois dimensions, mais l'autre dimension j'en ai parlé le dimanche passé. Mais je crois que dans les 22 minutes je saurai les aborder. Je parlais de la dimension naturelle, la première dimension que nous avons abordée. Où nous avons dit qu'attends qu'enfant de Dieu, notre réussite n'est pas seulement liée au spirituel, c'est aussi au naturel. Nous sommes nous-mêmes une réussite. Nous avons dit que la sémence qui est en nous, c'est une sémence du succès. Je lisais les scientifiques qui parlent que dans l'homme, il y a une programmation des cellules qui vont jusqu'à 30 à 100 milliards de cellules qui fonctionnent dans le corps. C'est pourquoi ceux qui fabriquent des robots n'arrivent jamais à reproduire un homme. Parce que pour avoir 100 milliards programmés dans un robot, ça prend beaucoup d'années. En moi, il y a 100 milliards, 10 milliards, 100 milliards de cellules qui doivent se relayer pour donner l'information que je donne. Et donc tu as un mystère tel que tu es. Si une cellule s'arrête de fonctionner, c'est là, tu sais, non, il y a paralysie à gauche, parce que c'est seulement une cellule. Oh Dieu, tu es grand. Et si tu arrêtais 5, c'est fini. Nous marchons, nous sommes un mystère de programmation qui opère à chaque seconde, à chaque minute. Donc tel que je suis là, je suis un succès. Parce que je suis une créature réussie par Dieu. Je suis un mystère. Je peux faire l'objet d'une adoration. Tu me regardes, tu dis, j'adore le Seigneur parce que ses frères respirent. Parce que la grâce est en nous. La dimension suivante que je vais aborder, deux dimensions, mais qui ont des sous-titres, c'est la dimension de la race des vainqueurs ou de la race des champions. Lorsque nous parlons des dimensions, c'est des conquêtes à conquêtes. Après avoir fait la conquête de la dimension naturelle, nous allons dans la deuxième dimension de la conquête avec Dieu, c'est la race de champions. Vous savez, bien-aimés, il y a une saison où les résultats ne caractérisent pas le succès ou la réussite. Mais on doit voir l'homme derrière les réussites. Qu'est-ce qu'il est? L'homme de Dieu, notre papa, a donné un exemple pour exprimer ça. Il a dit, si vous voyez deux personnes qui ont 300 000 dollars chacun, mais l'un, il a commencé avec un dollar et il est allé jusqu'à 300 000, et l'autre, il a gagné dans un tombola, il a eu 300 000. Vous pouvez vous rendre compte que la personne qui porte la nature de cet argent, c'est celui qui a travaillé jusqu'à 300 000. Parce que l'exercice que vous allez faire, c'est de leur ravir les 300 000 et de dire, je récupère cet argent, produisez-moi encore. Celui qui a la nature de produire, il va produire et il va arriver. Et l'on disait que si même tous les riches du monde distribuaient l'argent à tous les pauvres du monde, après 2 mois, l'argent va revenir chez les mêmes riches. Parce que ici, il y a la mentalité de la consommation et de la jouissance. Et ici, il y a la mentalité du travail et de la multiplication. Les principes qui fonctionnent dans l'homme peuvent déterminer qui il sera après. Vous savez, l'Occident nous a piégés. Les colons sont partis. Ils nous ont laissé le pays. Ils nous ont laissé même des titres et des postes. Nous nommons qui nous voulons là où nous voulons. Mais ils ont laissé une mauvaise semence. C'est de nous informer que nous sommes de la race de l'échec. Si vous êtes noir comme ça, vous avez la race de l'échec. Et ils ont mis ça dans notre cerveau, que quand vous voyez un blanc réussir, et vous voyez un noir, et vous le voyez échouer. Et dans les entreprises qui ont des expatriés, quand on dit le directeur, c'est un noir, vous vous dites, ah, pibita kufatu. Les noirs tuent toujours. Mais quand on dit que l'entreprise, le directeur, c'est un blanc, on dit ça va marcher. Parce qu'on nous a informé que nous sommes un échec et nous marchons avec un échec. C'est pourquoi quand on parle de l'emploi et de la création de richesses, nous avons la tendance d'aller vers l'emploi parce que nous sommes fabriqués pour travailler pour les autres. On n'est pas fabriqués pour créer de l'emploi. On nous a informés. À l'école, on a fait 17 ans, 18 ans en train de te rappeler. Quand tu seras chef magasinier, tu feras ça. Quand tu seras responsable de terrain, ça veut dire tu es esclave de quelqu'un. On te forme pour qu'un jour tu présentes ce papier vers quelqu'un. Mais on ne nous a pas programmé pour que nous ayons la capacité de produire les richesses. Et même les richesses qui existent, nous n'avons pas la capacité de jouir de ça. Nous regardons ailleurs. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent dans la mer Rouge, parce que nous pensons que chez les Blancs, il y a la vie. Si nous arrivons à croire qu'il est possible que là où je suis, la vie peut être créée, à partir de ce moment-là, je suis sauvé. Si j'arrive à croire que je ne demanderai pas l'emploi demain, je vais être le patron de demain, je vais agir conséquemment. Et quand je formerai mes enfants, je vais leur dire, orientez-vous plutôt dans les domaines qui vous donnent la capacité d'être des producteurs d'emploi. Nous tuons nos enfants à la maison. C'est des petits qui sont des petits robots qui vont servir pour les autres. Nous servons des logisticiens parce que quelqu'un va avoir une entreprise et il va avoir besoin d'un logisticien travailleur qui sera payé. Combien de créateurs d'entreprises on a créé? Peut-être pas. La race, la nature qui est dans quelqu'un peut déterminer l'orientation qu'il aura. Or, vous savez, il y a une puissance derrière l'éducation, une puissance derrière les déclarations que nous recevons. Ce que nous recevons fait de nous plus tard les résultats de ce qu'on entend, de ce que nous attendons. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Mais je vais aussi ajouter que la croyance vient de ce qu'on attend. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui change l'homme. Dans les académies de programmation mentale, où on veut fabriquer des hommes qui vont travailler dans les services secrets, l'une des puissances qui est utilisée dans ces académies, c'est la programmation par la parole. On vous rappelle que vous êtes un robot tueur. Vous êtes robot tueur. On le répète 1000 fois, vous sentez que vous commencez à être un tueur. Et l'exposition de choses auxquelles nous avons été amenés à voir sont du genre à nous amener à admirer les autres et à réduire la capacité qui est en nous. On nous a seulement montré les obstacles, jamais les bonnes choses. Voyez les médias occidentaux. Si vous suivez la télé, quand on parle de l'Afrique, on voit seulement la famine, on voit seulement les morts, on voit les gens qui s'entretuent. Qui a déjà fait un documentaire sur des villes qui naissent? Qui a déjà fait un documentaire sur ce que nous faisons ici? L'on montre toujours que vous êtes un échec et voici ça ne marche pas. Maintenant, quand vous lisez dans Nombre chapitre 13, verset 30, c'est l'homme de Caleb, là je parle de la race des vainqueurs, cet homme arrive devant le peuple, il était parmi les espions. Ils arrivent, ils reviennent. L'on dit, écoutez, vous avez espionné, donné les rapports. Les 10 espions ont donné le rapport. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Si c'était arrêté de dire, nous étions seulement des sauterelles à leurs yeux, ça allait marcher. Mais nous-mêmes, nous avons constaté que nous étions sauterelles. Et nous sentons que nous ne pouvons jamais aller dans la destination que Dieu a dit. Il y a des blocages que nous avons dans notre marche qui ne viennent pas des démons, qui viennent de nous-mêmes. Vous êtes bloqués déjà en vous. Il n'y a pas de réclamation, c'est vous-même qui êtes bloqués. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que les pensées qui fonctionnent, le cœur qui est à vous, ne vous donne pas la capacité d'aller au-delà. Et ça, c'est l'une des stratégies du diable. L'homme de Caleb se lève, il regarde. Il dit, écoutez, moi, ce que les gens ont dit, ça peut être vrai. Mais je crois que nous allons arriver et nous y serons vainqueurs. Les gens de la race du succès et du vainqueur sont des personnes qui voient des opportunités même quand il y a 1000 obstacles. Ce sont des gens qui peuvent voir le chemin même quand il y a 1000 montagnes. Des gens qui ont un regard et qui disent, c'est vrai, je ne vois pas de passage. C'est vrai, je vois que c'est sombre. Mais je sais qu'il doit y avoir un passage quelque part. Parce que celui qui a dit que je vais réussir ne peut pas m'amener là où il n'y a pas de passage. De l'autre côté, il y a l'océan, il y a la mer, il y a le désert, il y a Pharaon qui vient. Mais il doit y avoir une solution. Quelque part. Même si nous sommes agressés de partout, aujourd'hui nous sommes humiliés par le Covid, on nous fait porter tout, on nous dit ce qu'on veut, mais il doit y avoir une solution quelque part. Et si dans ta vie tu crois qu'il est possible de trouver une solution, tu as la détermination qu'il y a une solution quelque part, tu accompliras de grandes choses, tu sèmeras et tu récolteras, car tout le monde sème et ne récolte pas. C'est pourquoi pendant la guerre, il y en a qui ont prospéré. Parce que même pendant la guerre, il y a des opportunités. Même dans les villes où il y a la mort, c'est possible d'émerger. Même quand il n'y a pas d'employeurs qui veulent engager les gens, il est possible d'avoir des entreprises qui prospèrent. J'analyse souvent cette ville, je me dis, il y a des morcellements d'ici et là, mais quand on fait un morcellement, tu as l'impression que l'argent a été gardé quelque part, on a jeté, ça commence à pousser. Si ces gens ont l'argent, et que moi je n'ai pas l'argent, et ils ont eu ça ici, c'est que moi aussi j'aurai ça. Ceux qui ont l'esprit des vainqueurs ne regardent pas du côté de l'échec. Ils regardent du côté du succès. Même s'il y a 0,5% de ceux qui réussissent, tu dis, moi je ne serai pas du côté de 99,99. Je serai du côté de 0,01. On a dit le succès est de 0,0% de réussite. Tu dis ça là, c'est pour nous. Si c'est une personne qui va percer, c'est moi le numéro 1. Ceux qui ont la mentalité et la pensée du succès se pointent du côté du succès. Et vous savez, Dieu marche avec ses déterminations. Qui pouvait imaginer que David va tuer Goliath? Du moins si on est logique, Toto Chevakiro, ça ne marche pas. Mais il s'est pointé du côté du succès. Il a dit, je veux te tuer. Si on lui pose la question, tu vas faire comment? Nous, on a échoué. Il dit, je sais, maintenant je n'ai pas de réponse. Mais je sais qu'il doit y avoir une faille quelque part. Ce type ici n'est pas grand. Il va tomber. Ça, c'est la pensée qui domine le cœur. Bien-aimé, quand je dis tout n'est pas esprit, tout ne se fait pas en dehors de nous. Il y a beaucoup de facteurs de réussite qui se passent en l'intérieur de nous-mêmes. Je priais pour un homme qui a été malade longtemps et il a été opéré 16 fois. Et les médecins disaient que nous sommes au bout, on ne peut pas l'aider. Mais quand j'arrivais, ils disaient, pasteur, ces gens, ils ont laissé mes intestins dehors, ils disent qu'il n'y a pas de solution. Mais je sais que je vais guérir. Hey! J'ai dit, même là, il dit, oui, je vais marcher. Un jour, je le voyais marcher, il venait ici au culte. J'ai dit, waouh, il y a des gens qui ont la foi, mais qui ont la croyance et la détermination d'arriver à leur succès. Bien-aimé, notre nature n'est pas du genre à échouer. Caleb, de la race des vainqueurs, peut voir quand les portes sont fermées, il dit, je sais que je tâtonne encore, mais une solution se trouve quelque part. Nous avons toujours pleuré, oh non, il y a beaucoup d'occultistes, oh ils sont dans notre entreprise. Les occultistes ne peuvent pas arrêter ta montée si tu as l'onction de Dieu. Les sorciers, ou dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers, qu'ils soient même 1 million. Parce que si la grâce de la nature du succès est sur moi, même au milieu de 1000, la Bible dit, ils tomberont à gauche, ils tomberont à droite, et le juste frayera un chemin. Bien-aimés, nous avons crié beaucoup, même dans l'église. On dit, non, dans cette église, il y a des sorciers qui viennent. Vous ne pouvez pas être 2000 comme ça, et il n'y a pas de sorciers. Dieu anime. Les portes sont ouvertes, il n'y a pas de scanner de sorcelleriage ou de spirituage. Ils entrent. C'est pourquoi nous leur disons, caribou, venez, asseyez-vous, et même les chaises, ils vont s'asseoir. On essuie. Parce que nous sommes plus puissants que eux. Nous sommes plus puissants que vous. Oh, on va jeter des flèches, et nous allons jeter quoi? On va vous regarder. On ne va pas vous regarder. C'est pourquoi quand vous dormez, prenez possession de la ville. Auto-établissez-vous. Il n'y a pas de maire de la ville qui va vous nommer chef de sécurité de Gaume. Vous pouvez dire à partir de ce moment, je deviens le chef de la sécurité de Gaume. Quand vous dormez, vous priez pour la ville. Vous dites, dormez à paix. Je libère la grâce de la paix sur la ville. Moulare Naamani. Vous pouvez libérer sur la nation. Vous savez, dans la 7 dimension, c'est la dimension où on s'établit soi-même. Je n'ai pas besoin de la position pour agir. Un jour, je priais pour le pays dans l'une de nos églises et on a dit, bon, ok, nous prions pour la nation. On dit comment? Oh Seigneur, bénis ce pays. Non, non, on va s'établir. Vous prenez le ministère de la Défense, on a Ikanga. Vous prenez le ministère de l'Intérieur et des Finances. L'autre prend le ministère. Tukamate tuayo. Et vous allez prier comme ministre des Finances. Vous dites, Seigneur, les finances de ce pays, si elles sont toutes sous mes contrôles, maintenant j'ordonne que la vie commence. Vous savez, les choses pour lesquelles vous priez longtemps, ces choses finissent par arriver. La vie n'est pas juste un hasard. Et l'église ne peut pas vivre dans l'air. Il y a des postes vides, il y a des postes vacants ici. Il n'y a pas des gens qui s'occupent de l'eau. Les sorciers vont dans les lacs Kivu pour invoquer les Madame Imaï. Toi, tu peux aller, tu dis lac Kivu maintenant. Si ce sont les sorciers qui viennent toujours ici, c'est moi qui suis là. Je contrôle jusqu'à Bukavu, à Changugu, à Minova. S'il y a un sorcier qui va pointer son pied ici, à Bakiliam. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup crié. Pourquoi nous prions? Si Dieu a chassé le diable, il a chassé avec un tiers des anges. Et nous sommes restés avec combien? Ils sont où? Pourquoi la nuit vous chassez seulement les démons, vous n'accueillez pas les anges? C'est Wakaribi Shebasi. Dans les chumba Maombi, là où on allait parfois, on disait Tu Karibi Shemalaïga Katikati et tout. On ne peut pas commencer la prière au nom de Jésus. Démon de suivi, démon qui vient. Karibi Shemalaïka. Accompagne ceux qui sont pour toi avant de t'occuper de ceux qui sont contre toi. Et finalement, vous avez la conscience de ceux qui sont contre toi et vous n'avez pas la conscience de ceux qui sont pour vous. S'il y a un sorcier qui vous a jeté un mauvais sort, il y a ton pasteur qui a prié pour toi. Tu peux dire, Seigneur, merci pour la prière de mon pasteur Eston. Je sais qu'il a prié pour moi. Sorcier, vous avez fait des réunions, mais eux aussi, ils ont fait les réunions du conseil et l'onction de ces conseils est sur moi. Croyez à ces choses et vous verrez le succès. Lorsque vous montez dans la nature de ce qui réussit, ce n'est pas le mur qui pose problème. Ce n'est pas l'obstacle qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est celui qui les voit. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, même dans un mur, il y a un passage. Même dans un rocher, il y a une source de vie. Ne pleure pas, dis à la personne à côté, Achakulialia. Monte. Monte dans la deuxième dimension. La troisième et la dernière, je vais juste la frôler. Je vais juste la frôler. C'est la dimension que nous avons dans la position en Jésus-Christ. La dimension que nous avons en Jésus-Christ. Si dans le monde il y a eu des puissances qui ont agi, mais lorsque nous entrons en Christ, nous atteignons une autre dimension. C'est pourquoi je parle de dimension, parce que toutes les prières dépendent de quelle dimension tu as activé pour opérer. La prière du mendiant, si vous avez la nature du mendiant, vous aurez la récompense et l'exaucement du mendiant. Quand vous venez dans le temple, vous pleurez, Seigneur, Yokelanga Mawa. Ce n'est pas un problème de Mawa. C'est lui qui est le fils de la maison, il demande un droit. Si je suis le fils de mon père, je dis Maman Rosette, ni naski anjala, ni skili uruma ni kule, apana. Maman Ouyapiga, les enfants nous donnent même des ordres. Ça y est, mon olkwa Ouyapiga ata. Et il vous intimide, parce qu'il est dans son droit. Vous savez, devant le trône, quand vous activez la dimension des fils, il y a des choses qui arrivent, parce que la nature obéit à celui qui demande. Hey, la nature obéit à celui qui demande. Si le monde, nous allons vers le monde, comme des gens qui mendient, il nous donnera le pain du mendiant. Mais lorsque nous allons dans le monde, comme ceux qui ont le droit, le monde finalement dira, ok, ça va. Nous avons compris, ok, tout ce qu'il y a n'est pas assez. Et lorsque nous entrons dans la dimension de la position que nous avons à Christ, il y a des choses qui vont marcher d'elles-mêmes. Elle n'obéit plus à moi. Je n'ai plus l'identité de mon grand-père. On a ajouté à mon nom le nom de mon grand-père et de mon père. J'ai dit cette identité est restée dans la dimension naturelle. Mais la dimension que j'active, c'est la dimension qui est en Christ. L'œuvre de la croix n'est pas seulement venue pour l'évangélisation, mais l'œuvre de la croix, c'est aussi une arme de victoire. Bien-aimé, c'est la saison où l'Église doit revenir sur les fondements et utiliser les armes que Dieu nous a données. Où est parti l'enseignement sur la puissance de l'œuvre de la croix? La puissance du sang de Jésus. La puissance de la résurrection. Où Christ dit sur la croix, j'ai dépouillé les dénominations, j'ai enlevé leur grade. Nikabarudi Chabakaporo simple sur la croix. Et j'ai dit, tout est accompli. Quand tu t'appropries cette œuvre de la croix, ta vie, elle est différente. Il y a des prières qui ne te prendront pas 50 jours. Parce qu'il y a des prières qui prennent longtemps parce que nous-mêmes, nous avons peur. Toi-même, tu as peur, tu commences un cantique. Au nom de Jésus. Yesu, Yesu, Rabashika. Tu commences une langue qui n'existe pas. Parce qu'il y a la peur que tu dois chasser. Mais il y a des moments où tu vas arriver. Tu es conscient de qui tu es. Tu dis, Lazare, sors. Je n'ai pas de négociation à faire. Lazare, sors. Maladie, sors. Mort, ressuscite-toi. Sorcier, sortez. Je ne négocie pas. I know who I am. Je sais qui je suis. La prière, toutes les prières ne sont pas, n'ont pas la même efficacité. Parce que les personnes derrière les prières jouent à beaucoup. Même quand quelqu'un dit, je prie pour toi. Vous savez, prier pour quelqu'un, c'est être capable de prendre une faveur et de la lui accorder à votre nom. Je peux dire, maman Zawadi, donne-moi les 5 dollars là, je vais donner à ses frères. Si c'est papa qui vous l'a dit, vous allez donner facilement. Mais si c'est moi là, vous allez dire, yawa, puis ça, ça tient à papa. Ça veut dire que même pour prier, il faut avoir un mandat. Il faut avoir une personnalité. Il faut avoir une qualité pour parler au trône. C'est pourquoi il y a des prières qui s'arrêtent ici. Les prières de la peur ne vont pas souvent très loin. Parce que vous avez peur du diable. On a peur même du problème. On n'a pas encore arrivé, tu as peur. Il y a des prières qui doivent activer la personne de Christ en nous. Et Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas seulement une parole relative au salut, mais c'est aussi par rapport à la capacité d'opérer dans ce monde. Parce qu'il arrivera un moment où le monde ne va pas obéir à vous, en tant que frère Simplice, mais ça va obéir à vous parce que Christ, on l'a vu derrière vous. Laissez-moi m'arrêter là-bas pour les quelques secondes qui restent. où je vais dire à quelqu'un, c'est pourquoi dans cette dimension, nous commençons par le fait que le monde n'a plus rien à moi. Et Christ pouvait dire, le monde n'a rien à moi. Pourquoi on n'arrive pas à activer cette dimension? Parce que nous marchons avec le monde et avec Christ. Christ n'est pas seulement en parole, mais il est aussi en puissance. La deuxième orientation, c'est que, on en parlera peut-être plus tard, c'est que la dimension que nous recevons à Christ active la divinité en nous. Et l'homme de Moïse, lorsqu'il se présente à Dieu, Dieu lui dit, je te donne une mission délicate. Pour que tu arrives à opérer, je ferai de toi un Dieu. Il y a des circonstances de la vie. Il y a des démons têtus qui ne vont obéir que quelqu'un qui a la race de la divinité. Et c'est là, marche en Christ. Nous allons nous incliner dans la prière pour une ou deux minutes et dire, Seigneur, amène-moi dans cette dimension pour que ma prière soit plus efficace plus qu'avant et que ma marche dans la foi ne soit pas une marche vaine. Ma vie n'est pas une caisse vide. Je ne suis pas ballotté de part et d'autre. Je dirais à ces prophètes, prophète, tu m'as dit que tu as vu les sorciers se réunir. Est-ce que tu n'as pas vu les anges aussi se réunir? Pourquoi tu vois seulement les sorciers? Je dirais à ces prophètes, tu as vu que je faisais un accident? Tu ne m'as pas vu en train d'être élevé? Parce que s'il y a un malheur, certainement il y a un bonheur à côté. S'il y a quelque chose de mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui s'active à côté. Parce qu'avec notre Dieu, il y a toujours une protection qui prépare, qui précède les attaques. Commence à prier, lève-toi et parle à Dieu dans les temps qui viennent. Parle au Seigneur. Et dis, Seigneur, lève-toi là où tu es. Dis, Seigneur, je suis là. Active à moi la race de ceux qui doivent aller à la victoire. Commence à combattre et à dire, Seigneur, je suis là. Je veux que tu agisses dans ma vie. Nous allons laisser notre papa conduire cette étape. Nous levons ensemble, nous prions. Lève-toi là, pendant que tu pries, parle au Seigneur. Parle au Seigneur entre-temps. Nous parlons au Seigneur, frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons une qualité en Christ. Nous avons une nature de vainqueur. Nous avons la dimension naturelle des prévisions que Dieu a établies d'avance en nous, dans notre nature, dans notre responsabilité humaine. Il y a des choses que nous pouvons faire. Prie le Seigneur, demande à Dieu d'activer ces réalités dans ton cœur. Parce que quand elles ne sont pas activées, tu ne sais pas fonctionner en fonction de cela. Nous prions le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Christ en nous, l'espérance et la gloire, l'espérance et la victoire, l'espérance des capacités, l'espérance de la nature divine. Christ en toi, c'est la divinité en toi, c'est la divinité en moi. Christ en moi, c'est Dieu lui-même en moi. Et lorsque je parle et je m'adresse à une situation, je m'adresse à des ennemis, je m'adresse à des lois, à partir de la dimension de la divinité en moi, les choses s'inclinent, les choses se mettent en ordre. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous tous ensemble. J'aimerais que tu fasses une prière d'autorité. Hier, tu as été humilié par le monde des ténèbres. Mais ce matin, tu as compris que la nature des vainqueurs est en toi. Tu vas entrer dans ta position et parler à tous ces ennemis On nous a enseigné tout à l'heure que si les uns ont hérité des liens des sorciers, des grands-pères et tout ça, à partir de nous, on peut commencer avec des liens de l'onction. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, vous savez, je le dis toujours ici, on parle jamais souvent de papa d'Abraham. Et si j'ai demandé tout de suite, qui connaît le nom du papa d'Abraham? C'est peu de gens qui donneront la réponse. Est-ce qu'Abraham est tombé comme Jésus dans le sein de sa mère? Non. Le papa d'Abraham s'appelle Terah. Avez-vous déjà entendu quelqu'un prier? Seigneur, je prie, ô Dieu de Terah. Vous avez déjà prié comme ça? Mais comment entre Terah et Abraham, on commence à parler d'Abraham, on ne parle pas de Terah. Parce que Abraham a connecté avec Dieu, il est entré en alliance avec Dieu. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous convertissons à la conversion. Nous connectons avec les dieux vivants. Et nous commençons une nouvelle génération. On n'a pas parlé de Terah, mais on a parlé d'Abraham jusqu'à maintenant. Et même demain, on en parlera. On n'a pas parlé de ton père. Mon père s'appelait Matayo. Il était avec vous ici, non? Merci, vous l'avez bien enterré. Mais est-ce qu'on parle de lui? Mais on peut parler de Stone. D'accord. C'est vrai, non? Et à partir de Stone, une génération peut commencer. Et à partir de toi, une génération doit commencer. Ce que tu as fait avec Abraham, père, en le connectant avec toi-même, connecte-moi avec toi-même. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te connecter. Et commence à prier dans cette dimension. Seigneur, on parlera de moi. Et puis parler de moi, c'est pas ça le problème. En fait, on parle d'Abraham à cause de la mission qu'il a obtenue dans sa connexion avec Dieu. Et toi également, à cause de la mission que tu as obtenue de Dieu, c'est cette mission qui part, qui te fera parler. Les hommes et les femmes obtiendront des grâces, des bénéfices à partir des standards attachés à ta mission, à partir des lois, des principes établis au travers de la mission de Dieu sur ta vie. Prie le Seigneur, frère. Ne blague pas avec ce temps. Prie. Ekaboshita rabada. Ekerebona luce di alcona makareba saraba. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. On parlera de toi. À cause de l'impact qu'on profitera de toi. Les générations, les nations sortiront de toi. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu fais partie de la race des champions, de la race des vainqueurs, de la race des hommes et des femmes qui ont connecté avec le Créateur. Ekamoreshi darira. Ekete kereboshi lamaya. In the name of Jesus, Lord, you are the same. Ce que tu as fait avec Abraham, fais avec ton fils ce matin. Ce que tu as fait avec Abraham, fais avec ta fille ce matin. Commence quelque chose avec quelqu'un ce matin. Commence quelque chose. Commence un voyage avec quelqu'un ce matin, mon Dieu. Dans ce contexte, écoutez-moi, dans cette position, dans cette dimension, Tu vas prendre une minute pour te débarrasser de tous ces ennemis qui sont en fait petits devant toi. Commence à prier. Fais des prières d'autorité. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là. De tous ces démons, de tous ces sorciers. Débarrasse-toi. Ils doivent te respecter. Et quand tu es kota kataba, quelque te bako chete rebagala, les kebotaro vechete, les karama, tels qu'ils sont, ils ont établi les lois de la pauvreté, ils ont établi les lois de la misère, du chômage et de toutes ces choses. Débarrasse-toi d'eux. Recours aux ressources du Dieu vivant et établis les lois du travail, de la production, du développement, de la transformation, les lois de progrès. Établis les lois. In the name of Jesus. Hallelujah. Nitakushukuru namuna ganye. Nitakushukuru namuna gani. Nitakushukuru namuna ganye. Oh, eh, oh. Baba namuna gane. Le Dieu qui a fait de nous ses enfants, comment les louer? Baba yangumiye, Baba namuna gane. Oh, oh, oh, oh, namuna gane. Baba namuna gane. On acclame très bien le Seigneur. Alléluia, béni soit-le. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Nous avons dédicace des enfants. Et nous les invitons. Vous savez, vous avez fait inscrire les enfants au courant de la semaine.